définie qui s'approche de l'assemblée. Tu parles de pureté, de respect. Tu rappelles que le camp n'est pas n'importe où. C'est le lieu où tu marches avec ton peuple en secret. Tu demandes un endroit pour se purifier. Tu parles même de ce qui semble banal. Tu dis car l'Éternel marche au milieu de ton camp. Et rien n'est vraiment trivial. Tu veux que l'on prenne au sérieux le fait que tu es là. Fais de notre camp un lieu pour ta présence, où la grâce et la pureté s'embrassent, où la compassion et la vérité ne se quittent plus de l'espace. Fais de notre camp un lieu pour ta présence, où l'opprimé trouve protection, où le fugitif trouve un refuge et la justice une maison. Tu protèges l'esclave en fuite, tu défends le pauvre humilié. Tu interdis qu'on vende les corps sous le masque de la piété. Tu parles de vœux faits à la hâte. Tu dis qu'il vaut mieux se taire que promettre sans jamais tenir devant ta lumière. Fais de notre camp un lieu pour ta présence, que notre quotidien soit digne du Dieu qui marche au milieu de nous. Que notre quotidien soit digne du Dieu qui marche au milieu de nous.